Que tu sois dehors ou même sous écrou, on attend que ça parte en vrille. On a le machin, ne faites pas les fous. Ton bijou, tu la love, oui. Mais sache qu'un jour elle te lâche, ouais, le sang. Chill light, elle rigole même plus à tes blagues. On peut s'en sortir si on veut réussir, espérons que ce qu'on dit sur toi c'est honteux. Après devant ils te pompent, ils veulent salir mon image. Patricia ou Donaïma, je rapide des choses qui marquent. Sortez moi les voisins, ils matent. Marseille City, le petit bras qui tue, street reality. Appelle-moi Iti. Ils ont pas de salaire, dont l'encre amène une sale herbe. Je bois, je fume, j'ai l'air vieux. Ils font chauffer, c'est qui ces cons là? On pourrait sortir les armes serbes. Ouais, mais non, mais c'est bon là. Pas trop chaud, d'autres donne l'alerte. Lui l'a fait à l'envers, donc lui galère. Arrête de raconter que de la merde. Il peut pas faire la guerre, lui galère. Des stress fument sur le pilon de bœuf. Mon son à balle dans la Clio 2. Je pense chez des millions de bœufs qui pleuvent de l'argent pour un million de bœufs. Marseille City, le petit bras qui tue. Street reality, appelle-moi Iti. Marseille City, le petit bras qui tire. Street reality, appelle-moi Iti. C'est la crise au check, mec. C'est la crise au check, mec. Un 3-5, ce genre la pointe.